Les jours s'effondrent mais rien ne se ressemble. Les lendemains sont bien meilleurs qu'hier et cru. Les nuits se taisent avec mon cul en garde à vue. Le lever du jour me roulage du haut d'une grue. Les jours recoulent avec la joie, je trouve ça cool. Pourtant le temps d'un âge printemps, mes textes viennent mes méreintants. Je suis juste un mec que j'entends dans la nuit, le sommeil me plantant. De mes ambitions jamais je m'en contente. Un jour ensoleillé, trop tôt réveillé, j'ai envie de m'émerveiller avec cet instru pour me surveiller. Mais y'a toujours des intrus pour tout enrayer. J'suis peur de rien, de qui, de quoi je dois tenir pour tout contenir, pour contourner ceux qui veulent me punir. Allez, suivez-moi sans partir. Les mesures tombent, pourtant je me sens pas d'usure. Un jour de plus à se balancer entre langues dures. Détourné par une serrure cassée, une clé qui n'aurait jamais dû ramasser. Mais faut jamais regretter ce qui s'est passé. Insouciant, je me suis pas méfié que mes deux pieds s'étaient enlacés. Un jour de plus, y'a mal glissé. Un son de plus pour me surclasser. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sur une rune. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sur une rune. Un jour de moi jamais paru dans le journal. Après chacun de mes pas soulève la live. Juste un petit toujours en cavale. Traqué d'un animal marqué comme un fer à cheval. Attendre la joue, c'est avec mes sangs qu'on joue. Alors j'avoue, j'ai plein d'atouts que mes rimes j'en mets partout. Je n'ai jamais nié t'aimer, mais faut se rendre à l'évidence. Je t'ai juste aimé, je l'ai glamé. Mais je m'en suis jamais assez armé. Dans mon regard y'a tout qu'à cramer. Mais y'a encore un jour de plus qui se libère de son enclume pour être diffusé par ma plume. Alors j'assume car l'abeille se fume en laissant des traces sur le bitume. S'il vous plaît regardez le ciel et dites-moi que ce monde n'a pas de toi. Mais ne dites plus pourquoi, pourquoi un morceau qui perd ses joies, qu'il reflète pas moi. Un mec en émoi qui fuit les caresses de soi. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sur la rue. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sur une rue. Une pensée juste une clair de lune. Et un sourire juste un qui jamais s'éteint. Un ange sur terre qui illumine l'éteint. Un festin dans une vision de félin. Un malin décédé un matin. Manipulé comme un pantin. Était deux fois pas la même histoire. Une seule fois le fantôme a dit bonsoir. Tu sais que l'amour aime se faire boire. Pour tout te faire croire. Après trois petits points y'a un récit. Y'a aussi une avalanche de merci. Assis sur une branche concis. Comme un poète qui écrit mais toujours incompris. Après les pages, les murs servent de manuscrit. Laissez la mélodie voguer sans lui construire d'abri. Encore un morceau comme un débris. En fait c'est juste le bazar. Dans une forêt de blizzard, les chemins se mènent au hasard. Tout le monde porte le brassard. Dans un conte où les couleurs fleurissent comme des fleurs. Une fan sans saveur. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sous une rune. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sous une rune. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sous une rune. Un jour de plus. Un coup de plus perdu dans la brume. Une nuit de plus pour contempler la lune. Un jour de moins me guidant sous une rune.